juste un mec comme toi. Toujours là, ses peines, ses choix. Connais le refrain, bien quoi ça va, rap, je sais pas garde, tu je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar et l'avenir j'en parle même pas. Tu connais le refrain, bien quoi ça va, rap, je sais pas garde, tu je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar mais tu vois, toujours là. Le petit gars est toujours là avec sa petite voix, mais tu vois, on me le dit, je suis dans la bonne voie, quoi. Ouais gars, je suis bien plus fort que tout. Je garde la tête froide, rien m'arrêtera, j'y crois. Qui fait la vie et de surprendre sont mes buts, même si c'est dur. Pac me l'a dit, qu'il y a head up. Donc comme un grand cru, je m'améliore au fur et à mesure que t'écoutes encore et encore. C'est pour ceux qui disent qu'il y a pire quand il y a mieux, c'est pour eux que je dédie ça, se sentir heureux. Même si j'éprouve de la peine pour le genre humain, j'espère ce lendemain, les mains dans les mains. Maintes fois je suis un coup mal, puis bien comme un yo-yo. Depuis j'ai coupé la ficelle, je reste en haut. Désolé d'être cru, mais j'ai trop été déçu. Puis je n'ai jamais cru en tellement de trucs. Tu connais le refrain, bien ou quoi ça va, rap, je sais pas garde, tout je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar et l'avenir j'en parle même pas. Tu connais le refrain, bien ou quoi ça va, rap, je sais pas garde, tout je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar mais tu vois, toujours là. Je me rappelle, on m'a dit t'inquiète, la route tourne, ok je veux l'admettre, j'attends toujours la ristourne, mais je prends la vie. D'avoir des cernes, c'est la médaille de l'insomnie qu'on décerne. Pas la vie super, mais faut s'y faire. J'gratte l'hiver devant un monde qui me sidère. J'attends qu'on me libère. Ça me désespère quand les gens ont une cybervie. Faut voir que la terre ne leur garde en vie. Tous la même quête, la recherche du bonheur. Alors j'mène l'enquête, cherche et j'trouve que du malheur. Tu vois, j'ai peur si un jour d'avoir un gosse. Car dans le monde y'a que le négatif à la hausse. Moi j'suis qu'un marginal, au baggy hyper large. Les gens me jugent jusqu'à former. Mais des hyperlages, même en marge, je continue même si j'ai pas l'âge. Ma route est longue, pleine de présages et de plages. Tu connais le refrain, bien ou quoi ça va, rap, je sais pas garde, tout je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar et l'avenir j'en parle même pas. Tu connais le refrain, bien ou quoi ça va, rap, je sais pas garde, tout je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar mais tu vois, toujours là. Merde, tout va trop vite et je perds le contrôle. Je me sens dans un vide sans aucun rôle. À quoi bon vivre sans raison de vivre? C'est comme vouloir apprendre sans livre. Tu vois, depuis j'aime plus le rap que les femmes. C'est l'unique chose qui fait vibrer mon âme. Moi je suis pas trop gosse, mais j'ai l'écriture. C'est comme des yeux beaux, ça paye pas les factures. Mais je reste humble et je traverse des épreuves. Qu'un marginal en quête de faire un chef-d'œuvre. Sache que si je dois partir de ce rap game, c'est tout simplement qu'aujourd'hui c'est plus la même. Ça m'empêchera pas de gratter, de rapper, de parler, de tout casser et de relater. Puis pour finir je m'en bats si je m'en l'ai dit. Car quand tu vois en bas, y'a plus de lady. Tu connais le refrain, bien ou quoi ça va, rap, je sais pas garde, tout je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar et l'avenir j'en parle même pas. Tu connais le refrain, bien ou quoi ça va, rap, je sais pas garde, tout je me sépare, je sais là partout, l'amour tout partout, bar mais tu vois, toujours là, toujours là.